Ouais, Renaud Guigue qui a plusieurs casquettes et qui a entraîné les deux clubs, c'est formidable. Et cette fois-ci, il est plutôt en Trégois. Ouais, fait là, c'était Renaud, c'était plutôt du côté d'Avignon, Fred, samedi. Oui. C'était Avignon, c'était pardon, samedi, pardon, ouais. Non, Renaud qui revenait sur la victoire de son équipe, effectivement. Ça a été un petit peu compliqué, ils ont couru après le score pendant toute l'après-midi. Et puis, Renaud est un mec très intelligent, il arrive à préparer ses équipes pour chaque adversaire. C'est vraiment... Chapeau. Voilà, moi qui avais fait un petit peu la partie, je croyais qu'il était aussi à Entraigues. Non, tout compte fait, c'était bien. Du côté d'Avignon, on en a terminé avec le rugby à 13. La suite. Top chrono, rugby à 15. Ça y est, c'est le groupe là de consistance, puisqu'on va parler bien sûr rugby à 15, on va parler de ces phases de finale. On va commencer carrément les choses un petit peu à l'envers, puisqu'on va parler un petit peu de la Fédérale 3. Et après, on reviendra tout doucement au match qui nous intéressait, puisque j'étais du côté de Nice. Pour ce 32e de finale aller que l'ASBC est allé disputer du côté de Nice. Mais juste avant, voyons en détail, Jean-Yves, les résultats, si on les a dans notre possession. On les a mis à 15. Non, on les a pas, mais par contre, on les a dans dans la presse. En fédéral 3, dans un match de barrage, Lille-sur-Sorgue est allé faire un match nul à Palavas. C'est un bon résultat, Fred, c'est un bon résultat. Ouais. Les joueurs du BCI ont été menés pendant toute l'après-midi. Ils ont failli ne pas s'en sortir et puis finalement, eh ben, écoute, l'un dans l'autre, ils s'en sortent. Cavaillon, toujours en fédéral 3, ils ont largement fait le job puisque ils se sont imposés sur leur terrain au Vélodrome sur le score de 40 à 27. Les Angles a fait le boulot aussi, 13 à 9 pour face à Privas. Ça va être compliqué pour les Angles la semaine prochaine, Fred. Allez, on prend de suite la direction. On va s'arrêter là pour le résultat de ces 32e de finale pour la Fédérale 3. Et on va rejoindre un personnage, mais sur Vauclusien, on est très heureux parce qu'il fait une saison sublime. C'est Joris Cazenave avec cette équipe de Colomiers qui revenait de ses cendres. Et Colomiers qui avait failli être champion de France, ou peut-être qu'on était champion de France avec le bouclier de Brennus il y a quelques années en arrière, que c'était le top 16. Il me semble que vous avez perdu en finale. Mais je retrouve Joris Cazenave. Bonsoir Joris. Bonsoir. Salut Joris. Alors Joris, tout va bien quoi. À ce moment, il me semble que Colomiers fait une saison extraordinaire et tu es toi aussi artisan de ces belles victoires et de ce classement qui nous présume un printemps, on va dire, féerique, puisque vous allez peut-être... Pourquoi pas, on ne sait jamais, toucher le Gotha si, dans ces phases finales, si des fois tout se passait bien, quoi. Le top 14. Ouais. C'est sûr, là, pour le moment, on est bien placé. Bon, là, on est sorti du top 5 ce week-end en ayant perdu à Vannes. Et bon, il nous reste deux matchs importants à la maison contre Biarritz et Montauban. Donc, normalement, si on assure, ça devrait le faire. Ouais, cette statistique au niveau de la Pro D2, cette problématique, qu'il n'y a pas de petites équipes, c'est un championnat très dense où il faut être, on va dire, à 100% à chaque match. Ah oui, là, cette année, il est resserré le championnat. On voit que jusqu'au 9e, je crois qu'ils peuvent se qualifier encore. On n'a que 3 points d'avance, donc on est en plus Perpignan a gagné avec le bonus ce week-end, donc il se rapproche des places qualificatives et on n'est pas à l'abri de mauvais résultats quand même. Ouais, Joris, salut Jean-Yves. Oui. Joris, ça met un peu la pression parce que vous êtes sixième avec 72 points. Le cinquième, le quatrième a aussi 72 points. Et puis, Mont-de-Marsan n'est pas très loin devant. Et derrière, tu le disais, Perpignan 69, Aurillac 65. Vous n'avez pas intérêt de vous rater. Hein. Ah non, surtout les deux équipes qui sont égalitaires avec nous, Montauban et Biarritz. Donc, si on ne fait pas... On va dire que ça sent pas bon pour la qualification. Donc. Ton ami Lucas aurait pu te filer un coup de main dans l'optique de la qualification s'ils avaient battu Montauban ce week-end, non? Voilà, il nous a pas bien arrangé ce week-end. Donc, ils ont bien perdu en plus, donc ils nous ont pas arrangé ce week-end. Ouais. Ouais. Dis-moi, Joris, cette année, il me semble que tu aboutis une saison un petit peu plus complète que la saison dernière. Il me semble que tu nous as prouvé devant les images de nos amis d'Eurosport 2 lors du match, du fameux match à Béziers, où c'est qu'on va dire tu as marqué un essai de grande classe, tout seul, comme on dit, tu te l'es pelé la cerise pour aller le mettre au milieu des poteaux. Hein. Je crois que là, tout le monde a découvert vraiment l'énorme qualité qu'avait Joris Cazenave. le petit Sorguet, parce qu'il ne faut pas oublier les origines. Quoi. C'est ça qui fait plaisir. Moi, je suis toujours très heureux. C'est sûr que ma saison, elle est beaucoup plus aboutie que l'année dernière. Enfin, déjà, en titularisation, je suis à 7 titularisations. Par rapport à l'année dernière, j'en ai fait que 3. Donc, je suis déjà satisfait de ma saison. Mais bon, il reste les plus beaux matchs à jouer. Donc, j'espère être dans le groupe et faire partie de cette aventure, pourquoi pas en demi-finale aussi. Ouais, c'est dur, hein, la Pro D2. On voit ça un petit peu de l'extérieur, mais c'est vrai que tous les clubs sont très fournis, et surtout là, au niveau des joueurs. Et là aussi, c'est la guerre pour avoir sa place sur la feuille de match. Ouais, c'est la guerre, surtout quand tu es 3 au poste, il n'y en a que 2 qui jouent, donc c'est un peu la guerre. Les équipes, maintenant, il y a 2 gros joueurs dans chaque équipe, donc c'est vrai, enfin, c'est devenu un beau championnat, la Pro D2, et en plus, c'est de plus en plus télévisé, donc c'est ce qui est bien pour nous, les joueurs, quoi. À ton poste, en plus, Joris, il y en a un qui se détache complètement. Et puis après, vous êtes 2 à vous partager un petit peu le reste là, des feuilles et des places sur le banc, non? Oui, ouais, c'est ce qu'il y avait un peu là jusqu'au bloc d'avant. Là, et il a changé d'optique, il a voulu remettre un peu les cartes à zéro. Donc là, il nous a laissé une chance à chacun sur les 3 derniers matchs. Et maintenant, il nous a fait choisir ces 2 numéros 9 pour la dernière ligne droite, quoi. Plutôt bien vu de la part de Gouta, là, de vous mettre sous pression tous les 3 en espérant que chacun de vous 3 va donner le meilleur de soi-même. Mais ah oui, c'est sûr. Il y a quand même le nom m'échappe, le 9 qui joue tout le temps. Comment Nico. Ouais. Lui, par contre, il est on va dire qu'il est quasi intouchable, non? Ouais, intouchable, enfin, jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant, il était en tout cas, ouais. Ouais, jusqu'à maintenant, il était. Maintenant, enfin, il nous a refait une chance, on va dire, avec Damien Neveu. Donc, déjà, c'est bien pour nous et c'est bien pour le groupe, quoi. Et comme ça, on est tous impliqués encore jusqu'à la fin de saison. Et ça évite qu'il y en ait un qui reste de côté et qui est complètement hors du groupe. Et voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est fascinant, c'est comme dans tout le championnat, hein. Quand on arrive, surtout le rugby, hein, ça fait partie un petit peu du gâteau, de la cerise sur le gâteau, quoi. On a envie de faire partie du groupe, on a envie un petit peu de sentir cette pression qui va monter avec les supporters. On appelle ça les ambitions de Colomy. S'il y a une opportunité, c'est le top 14. Ouais, bon, après, là... Il y a une opportunité, j'ai bien dit. Oui, une opportunité, oui, c'est sûr. Après... Si elle se présente, bien sûr qu'on apprendra, mais bon, déjà, on va déjà penser à la qualification parce que c'est pas gagné, quoi. Joris, après, si l'opportunité du top 14 s'ouvre à nous, bien sûr qu'on va le prendre et qu'on va tenter notre chance l'an prochain, mais bon, la route est encore longue. J'aurais juste une dernière question pour moi. Comment il le vit, l'entraîneur, la Gouta, il est annoncé à Clermont, et on sait qu'il a passé énormément de temps à Colomiers. Comment est-ce qu'il y a une pression particulière? Est-ce que vous met une pression particulière au moment de partir de Colomiers en vous disant mais j'aimerais bien me barrer avec un titre et arrachez-vous un peu, non? Bah, en plus, non, on le connaît, c'est un guerrier. Il nous a rien dit. Il a pas dit encore. Je finis mon aventure avec vous. J'ai fait 5 belles années, donc je vais accomplir le travail en approchant la demi-finale et après voir plus. Mais il y a zéro pression sur un résultat, quoi. D'accord, merci. Joris, tu seras l'année prochaine au Colomiren ou tu es déjà en contact avec d'autres clubs? Non, toujours Colomiren. Il me reste encore 2 ans de contrat, donc je suis encore Colomiren l'an prochain. Parfait. Merci Joris Cazenave, le Sorguet, parce que bon, moi ça me fait plaisir de voir de vos cuisines qui brillent aujourd'hui. Hein. On a Lucas Damignani, on a toi, on en a bien d'autres, puisque j'ai appris que le second de ligne, et tu vas revenir derrière, parce que tu dois savoir son nom, qui est lui aussi, ou Montignon ou Sorguet, qui fait les secondes lignes à Béziers. Yacine Mamri. Voilà, merci. Oui. Je ne savais pas, je l'ai appris le week-end dernier, puisque j'étais du côté du stade de la Méditerranée, où bien sûr Béziers a perdu face à Montauban. Bon, voilà, on ne va pas plus en rajouter. On va juste jeter un clin d'œil à Lucas Damignani, qui m'a rendu bien service lors du match de la SBC qui s'est passé du côté de Nice. Il a commenté le match à mes côtés. Voilà. Ah, bien, d'accord. Joris, merci. On espère te revoir dans le studio très bientôt. On te souhaite plein de choses. On va suivre ça de très près. On te rappellera si des fois on vous retrouvait en demi-finale, ça serait bien. Joris, tu nous ramènes le bouclier dans le studio, s'il te plaît. C'est bon, on va faire le maximum. Merci. Tu es le meilleur. Merci, Joris. Oui, Joris.